culotte à l'envers. Le grand Saint-Éloi lui dit, ô mon roi, votre majesté est mal culottée. Eh bien, lui dit le roi, je vais la remettre à l'endroit. Le bon roi Dagobert fut mettre son bel habit vert. Le grand Saint-Éloi lui dit, ô mon roi, votre habit paraît au bout des percées. C'est vrai, lui dit le roi, le tien est bon, prête-le-moi. Le bon roi Dagobert chassé dans la plaine d'Anvers. Le grand Saint-Éloi lui dit, ô mon roi, votre majesté est bien essoufflée. C'est vrai, lui dit le roi, un lapin courait après moi. Le bon roi Dagobert avait un grand sabre de fer. Le grand Saint-Éloi lui dit, ô mon roi, votre majesté pourrait se blesser. C'est vrai, lui dit un sabre de bois. Le bon roi Dagobert se battait à tort à travers. Le grand Saint-Éloi lui dit, ô mon roi, votre majesté se fera tuer. C'est vrai, lui dit le roi, mets-toi bien vite devant moi. Le roi faisait la guerre, mais il la faisait en hiver. Le grand Saint-Éloi lui dit, ô mon roi, votre majesté se fera geler. C'est vrai, lui dit le roi, je m'en vais retourner chez moi. Quand Dagobert mourut, le diable aussitôt accourut. Le grand Saint-Éloi lui dit, ô mon roi, Satan va passer pour vous confesser. Hélas, dit le bon roi, ne pourrais-tu mourir pour moi?